vous êtes assez fou. 80. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. David Ferron viendra nous susurrer des mots à l'oreille dans sa dernière carte d'étude de l'année. Et on souhaitera au revoir et bon futur, hein, à Marie-Laurence Audet et le loisir bien plus qu'au jeu. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce lundi 21 décembre 2015, 127 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016, mais ça on s'en fout parce qu'il y a seulement un jour avant la fin de la session d'automne. Ouh, et je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania, ça va? Ça va très bien, toi? Oui, dernière émission de la saison, nous, aujourd'hui. Oui, hey, de l'année 2015. De l'année 2015, on va être en onde quand même pendant les fêtes, on sera pas en direct. Donc on va profiter de cette dernière émission-là pour recevoir des invités qui nous tiennent quand même particulièrement à cœur. Donc à 8h, aujourd'hui, on va avoir Marie-Laurence Audet et on va devoir malheureusement lui dire au revoir. Ah oh oui, c'est sa dernière, elle. Oui, sa comme vraie dernière. Pas seulement de l'année, là, sa vraie dernière. Elle s'est trouvée un autre emploi. Donc on va lui dire au revoir à 8h. Ensuite, à 8h30, David Ferron va être là pour la carte bleachée. Et aujourd'hui, on parle de blues. Mm-hmm. Intéressant quand même comme sujet. Sujet qui est quand même proche de toi. Oui, quand même. Ton père, trip blues pas mal, j'imagine que c'est la musique de ta jeunesse aussi. Oui et non, je dirais. J'ai eu plusieurs styles musicaux, mais oui, mon père qui anime très blues assez fou ici. Donc, ouais, un petit peu de blues, là. Commence à en entendre pas mal. Hein. Donc, ce sera à 8h30. On a aussi ta chronique à toi, Tania is gonna entertain you, ton dernier guide des fêtes. Mon dernier guide des fêtes. On a parlé beaucoup de Noël. On a moins parlé du fameux jour de l'an. Donc aujourd'hui, je me donne le droit. Je me donne le droit, on va parler du jour de l'an. C'est bien, c'est bien. Prends-toi d'avance un peu. Ben oui. Ben oui. Hey, aussi, notre classique du lundi, c'est un fait, donc on va commencer avec ça dans quelques instants. Mais avant ça, c'est la dernière journée de la session, donc on n'a pas le choix de passer un petit peu de chansons qui ont rapport avec les fêtes. Hein? Mm-hmm. Parce que c'est quand même nécessaire. Donc voici notre savoureuse pièce du temps des fêtes préférée. Celle des Deluxe, la fille du Père Noël. Au 89 FM, c'est fou. Je l'ai trouvée au petit matin, toute nue dans mes grands souliers. Placez le vent, la cheminée, pas besoin de vous faire un dessin. De battre mon cœur, s'est arrêté sur le lit, j'ai jeté mon fouet. Tout contre elle, je me suis penché et sa beauté m'a rendu muet. Fatigué, j'ai la gueule de bois, toute la nuit j'avais aidé mon père. Dans le feu, j'ai remis du bois, dans la cheminée y'avait pas son père. J'étais la fille du Père Noël. J'étais le fils du Père Noël. descendue chez moi par erreur. Elle était là dans mes souliers. Et comme je ne pouvais prendre son cœur, je l'ai remis sur le palier. J'étais la fille du Père Noël. J'étais le fils du Père Fouettard. Et elle me dit d'une voix de crécelle, j'étais le fils du Père Fouettard. Je m'appelais Marie-Noël. Je m'appelais Jean-Balthazar. J'étais la fille du Père Noël. J'étais le fils du Père Fouettard. Je m'appelais Marie-Noël. Je m'appelais Jean-Balthazar. Les deux luxe, assemblage requis avec la fille du Père Noël. Maintenant, c'est le moment d'apprendre des choses, même si la dernière journée de la saison, ça va nous empêcher d'apprendre. Il y en a des gens qui ont des cours et des examens jusqu'à demain, le 22. Mm-hmm. Donc, on va quand même apprendre dans C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet. Et on commence avec le Seigneur des Anneaux. Il y en a qui écoutent ça pendant les fêtes, peut-être. Ah, ben oui, c'est comme il y en a qui font un marathon d'Harry Potter. Exactement, exactement, des Star Wars. C'est vrai. Moi, ça va être mon cas demain. On se marathon Star Wars, ça va être cool. Bref, Christopher Lee, qui a reçu... La bénédiction de J.R.R. Tolkien, ça c'est l'auteur de pas de Game of Thrones, du Seigneur des Anneaux. Oui. Pour jouer le rôle de Gandalf si le film sortait un jour, mais à la place il a joué Saruman. Et c'était aussi la seule personne à avoir participé au film de Lord of the Rings qui a rencontré Tolkien lui-même. Il a aussi sorti deux albums métal, Charlemagne by the Sword and the Cross et Charlemagne the Omens of Death. Il a pas l'air d'un gars qui fait du death metal. Non, absolument pas. Il porte un habit et il a les cheveux bien bien droits, une barbe bien taillée. Mais non, c'est un amateur de métal. Il a joué dans plus de 200 films. C'est aussi un des acteurs qui a fait le plus d'argent au monde. Ben, pas lui-même personnellement, mais ses films ont récolté le plus d'argent. Donc, 8,321,486,066 $ partout dans le monde. Wow, en effet. Il a enregistré plusieurs opéras et plusieurs pièces de musique entre 1986 et 1998. 10 jours avant la mort de Freddie Mercury, Jim Beach, le manager, le gérant de Queen, l'a rencontré pour discuter de ce qu'il allait léguer. Freddie a dit « Tu peux faire tout ce que tu veux avec mon image, ma musique, la remixer, la ressortir, peu importe, mais il faudrait jamais que ce soit ennuyant. » Eh oui, j'ai déjà vu un documentaire où justement le manager disait ça lui-même, que Freddie lui avait dit ça. Pas de plate. C'est hot. C'est le fun. C'est très hot. On sait pas s'il y a des choses plates qui sont sorties. Mais je pense pas que tu pourrais faire de Freddie Mercury un gars qui devient plate. Non, c'est ça. Après tout ce qu'il fait. Absolument. Doug, tu connais Doug? Doug? Le personnage de dessin animé avec les petits cheveux... quelques petits cheveux sur le coco et un gros nez. Doug? Oui. Bon. Donc, Doug, Ren and Stimpy et les Razzmatazz de Rugrats ont tous débuté à la télé le même jour. Ah ouais? C'est les trois premiers Nicktoons de Nickelodeon. C'était le 11 août 91. Je savais pas ça. Ouais, les trois en même temps, la même journée. Ça, pas en même temps. Ça existe encore, les... The Rugrats? Il y avait pas une affaire de... On ramenait les Razzmatazz éventuellement sur Nickelodeon. Il me semble qu'ils veulent ramener. Ouais, là, c'est les petits frères, les petites sœurs. Il y a eu ça, mais ça fait quand même un bout de temps. Il me semble qu'ils discutent d'en sortir une nouvelle série. Il me semble bien. Ensuite, tiens, ça c'est quand même intéressant, c'est les compagnies de jouets Kaboom et Must Have Play qui travaillent sur la création d'équipements de terrain de jeu, mais la démographie précise, leur public cible n'est pas les enfants, c'est plutôt les personnes âgées. Hein? Ça prend en popularité aux États-Unis, c'est pas juste un endroit où jouer, la santé et les bénéfices sociaux qui viennent avec ce parc-là sont quelque chose. Donc pour commencer, on considère les avantages sociaux que les personnes âgées pourraient avoir en visitant un terrain de jeu fait spécifiquement pour eux. Particulièrement donc le fait que quand ils sont âgés, ils se sentent isolés et seuls avec moins d'interaction avec les autres. Donc évidemment, ça va changer avec ces parcs-là. Ces parcs-là qui sont supposés aussi servir la communauté au complet, être une place pour les personnes âgées pour se rassembler, qui peuvent interagir ensemble, rencontrer des gens qu'ils n'auraient pas rencontrés sinon. Mais c'est plus que ça, hein? C'est plus que parler de leur passé, etc., etc. C'est aussi des équipements avec des exercices à faible impact. Ben c'est ça, ça ouais. C'est cool. Ce qui augmente, améliore leur équilibre et leur flexibilité. Donc des vélos stationnaires, des machines elliptiques, un peu comme on voit ici à Trois-Rivières, là, près du pont La Violette. Mm-hmm. Ce genre d'équipement-là. Aussi parfait pour la dextérité motrice. Oui. Avec les balançoires modifiées, les... comment t'appelles ça, les seesaws, les espèces de palettes que un fait baisser, l'autre fait monter. Une elliptique? Non. La, genre, t'es juste assis dessus, là, les petits chevals. Genre. Oh, l'un monte, l'autre descend. Oui. Ben, c'est pas un cheval. Je pense pas que ce soit un cheval. Je pense que le cheval, c'est une balançoire, mais à cheval. Bref. Donc, Kaboom travaille sur ces parcs multigénérationnels où tout le monde est bienvenu, peu importe leur âge, même si c'est principalement pour les personnes âgées. Et puis, il y a des développements en Tampa, en Floride en ce moment. Il y a un parc à Cleveland. Oui, mais il y en a aussi à Montréal. Je me souviens, dans le quartier d'une de mes amies, là, tu peux justement aller t'entraîner au parc. Ouais, c'est cool. C'est hot. Comme ça, il y en a à Trois-Rivières aussi. Donc, quand même, c'est une mode qui commence à faire des bébés partout. Ouais. Présentement, à Barcelone, en Espagne, il y en a 300 parcs pour personnes âgées disponibles. Ensuite, il y a une toile qui s'appelle En l'an 2000. C'est une série d'images françaises imprimées en 1899, 1900, 1901 et 1910 qui montrent les avancées scientifiques imaginées qui auraient eu lieu en 2000. OK. Donc, par exemple, bon, là, ça va. On voit des pompiers. L'année. Oui, des pompiers qui volent avec des ailes. Oui. Et qui viennent éteindre les feux, là, bloc appartement. Ensuite, une madame assise sur une chaise avec... qu'est-ce qu'on pourrait décrire là-dessus? Qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu, je pense que... Une brosse qui lave le bain, tout ça. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui lui lave les pieds, je crois. Ouais, c'est ça. Elle se fait faire les ongles par une machine. Exact. Il y a un miroir devant elle, évidemment. Et se fait maquiller et coiffer. Regarde son maquillage. Sinon, il y a aussi une école où les enfants portent des écouteurs branchés au mur, au plafond. Je pense qu'il n'avait pas imaginé le sans-fil encore à ce moment-là. Non. Le professeur met des livres dans une machine et la machine est tournée avec une manivelle par un petit garçon et ça envoie les données dans la tête des jeunes. Mon Dieu. Pourquoi pas, tu sais? Ben oui. Bref, ça ressemble quasiment à ça. Ça pourrait être une caricature. Ah oui, en effet, ça pourrait être une bonne caricature. Donc, une série d'images françaises, au moins 87 ont été produites par des artistes comme Jean-Marc Côté. Ouais. En premier, c'était des insertions dans des boîtes de cigares et ensuite, c'est devenu des cartes postales. En 2014, un chat nommé Russell a été brûlé dans un feu dans une maison. Ça l'a laissé aveugle. Il a eu besoin de 24 opérations et 1,5 années, donc une année et demie, dans un hôpital pour animaux. Malgré ses blessures, il a réconforté chaque nouvel animal qui est entré dans la clinique. Donc, un petit chien, un hamster, un oiseau, en les collant à leur arrivée. Donc, ce petit chat-là aveugle collait les autres animaux pour les réconforter. Il y a eu un mini Barbie. Un mini Bambi, exactement, tellement c'est cute. C'est mignon. C'est vraiment joli. En 1854, le choléra est arrivé à Londres. Et puis, on a appris avec le temps, avec ce qu'on appelle les spot maps, on a montré que la majorité des cas étaient arrivés là où il y a une pompe à eau sur Broad Street, qui était donc très proche. Les moines de cet endroit-là n'ont pas eu le choléra. On a fait une enquête et ça a montré que c'est parce qu'ils ne buvaient que de la bière et pas de l'eau. Ah. Tous les gens qui ont bu de l'eau ont eu le choléra. Pas vrai? Ouais. C'est comme aux États-Unis, en ce moment, il y a une grosse controverse. La ville voulait plus payer aussi cher pour faire venir son eau de la ville d'à côté, je sais pas trop quoi. Fait qu'ils ont changé la place que leur tuyau allait, genre, ou prenaient leur eau pour une rivière locale. Puis. Ils s'intoxiquaient. En ce moment, ils s'intoxiquent parce que l'eau, avec ce qu'il y a dedans, je sais pas trop quoi, ça fait défaire le plomb à l'intérieur des tuyaux. Donc les gens boivent du plomb, puis ça va faire des déformités chez les enfants des générations futures, des styles. My God! Ouais. C'est le fun, hein? Mais ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Ouais, ça coûte moins cher. C'est ça. Au Japon, on peut engager des hommes, des bels hommes, des beaux hommes, des handsome men pour se présenter à votre bureau et regarder des vidéos tristes jusqu'à ce que vous pleuriez et ensuite il peut laver, essuyer les larmes sur votre visage. Attends, tu peux pas l'utiliser pour autre chose que ça? Non, c'est seulement pour regarder des vidéos tristes et pleurer. Et pleurer et essuyer tes larmes. C'est. Ouais, bon. J'aurais trouvé de meilleures utilités, mais comme faire le ménage de mon bureau, voyons. Peut-être, peut-être. Ensuite, il y a une personne bilingue qui peut être dyslexique en une langue, mais pas dans une autre langue. Ah, ouais? Ouais, intéressant ça, selon The Guardian. Personne bilingue. Ah, ouais, la dyslexie, c'est juste pour une langue? C'est apparemment, c'est ton cerveau, c'est une question de cerveau, j'imagine. Ouais, mais c'est pas l'inverse. De The Guardian. Tu sais, c'est que t'inverses tout le temps des lettres, mettons. Ben, c'est que des lettres peuvent ressembler à d'autres lettres. Genre, un Q peut ressembler à un P. Genre. Mais si tu parles en anglais, ça arrivera pas. Tu parles... Ben, ça veut pas dire que c'est une langue similaire. Ben non, moi, c'est ça. C'est une autre langue qui est Peut-être même qu'il n'y a pas le même alphabet. Oh, ouais. J'ai aucune idée. Ah, je savais pas. Tu vas lire l'article sur assemblagerequis.com. Je vais faire ça. Un micro-ondes typique va consommer plus d'électricité pour faire fonctionner son horloge numérique que pour chauffer la nourriture, selon TheStar.com. J'en doute même pas. Ouais. Hmm. En 1958, le docteur David Briggs disait qu'hypnotiser ses étudiants augmentait leur capacité académique de 15% jusqu'à 15%. Attends, il hypnotisait ses étudiants? Il hypnotisait ses étudiants en 1958 et disait que ça augmentait leur performance académique de 15%. Ben oui. Les éléphants vont venir voir les humains pour chercher à l'aide, par exemple s'ils ont été empoisonnés. Ils peuvent trouver les humains même sur de longues distances. C'est intelligent, les éléphants. Oui. Très intelligent. Est-ce qu'ils sont plus intéressants que les perroquets? Oui. Pour toi, oui. Définitivement. les vaches plus heureuses produisent plus de lait. Ah, ouais. Et simplement appeler les vaches par leur propre nom qu'on leur donne peut augmenter la production de 3,5% selon ScientistLive.com. Parce qu'évidemment, une vache, c'est comme un chien, là. Tu la nommes, puis. C'est ça. Ah. Je sais pas s'il faut que le nom aille avec sa personnalité. Ouh, tacheté. Tacheté. Il s'appelle tout tacheté. C'est ça, tacheté un, tacheté deux. C'est ça. Le mot légende à l'origine voulait dire chose qui sera lue. Ah? Okay. À l'époque prémédiévale, lire et écrire étaient très rares. Donc, quelque chose qui valait la peine d'être écrit était quelque chose de notable et donc légendaire. Ça valait la peine d'être écrit et ensuite lu. J'avoue que c'est pas fou comme idée. C'est fort, hein? Très fort. Au Japon, ton groupe sanguin est traité un peu comme ton signe du zodiaque en Occident. Ah ouais? Mais ils sont encore plus sérieux que ça. Donc, quel est ton type sanguin est une question qu'on demande fréquemment. Et il y a même des horoscopes de... De sang? De sang dans les journaux. Pas vrai? Mm-hmm. C'est un peu dégueulasse, par exemple. Pour montrer comment le chinois classique est devenu une langue peu pratique à apprendre, le linguiste Chao Yuen Ren a écrit un poème de 92 caractères où chaque syllabe a le son chi. Donc le poème s'appelle chi-chi, chi-chi-chi-chi. Ce qui veut dire le poète qui mange un lion dans une place de pierre. Wow. Ouais. Chi-chi-chi-chi. Mais parce que, ouais, c'est ça, parce que eux, tout dépend de leur intonation. Ça, c'est, hein? Ouais, exactement. Ça, c'est comme quand tu vas te faire les ongles chez la petite chinoise, puis t'as vraiment l'impression qu'elle parle dans ton dos. C'est tout en ça qui arrive. J'avoue. Je suis jamais allé, mais ouais. Il y a l'épisode de Seinfeld. Je suis petite chinoise, là, mais tu sais, dans le temps que j'allais là. Est-ce que tu sais, si sont chinoises, tu peux dire asiatique. Hein, asiatique. Asiatique. Et Talia, faut te dire. En 1965, une machine a été brevetée pour faire sortir les bébés par force centrifuge. Hein? La machine te faisait tourner sur toi-même jusqu'à ce que le bébé sorte. Ben, c'est dégueulasse. Il était attrapé dans un filet, selon le site The Unnecessarian. Unnecessarian, c'est un jeu de mots avec unnecessary et cesarian, comme une césarienne. Ben oui. Comme fa. Point com. Ah non, mais t'imagines, ça devait être troublant, là. Ouais, ben, dépendant de ce que t'as fait avec le trouble. Un juge de l'Ohio a donné une sentence à une femme. Elle devait s'asseoir dans l'endroit le plus puant d'une cour à scrap, là. Donc une place où on met les déchets pendant 8 heures parce qu'elle avait abusé de ses animaux. Donc la sentence était if you puke, you puke. Si c'est vomis, dégueulasse. Si bon appétit. L'endroit... Ouais, bon matin, mangez bien vos petites toasts avec votre fromage. Miam. L'emploi le plus dangereux aux États-Unis, c'est d'être président. Plus de 9% des présidents ont été tués au travail. Ensuite, sur la deuxième, en deuxième sur la liste. C'est les loggers, ceux qui s'occupent. Ça, c'est les bûches de bois, je pense. Attends. Ah ouais? À 0,13%, on va aller voir ça, loggers. Qu'est-ce que ça veut dire? Attention. Oui, c'est ceux qui... Bûcherons. Ouais, bûcherons. Voilà. Exploitation forestière. Il y a des canards qu'on a vus en train de... Non, ça, on a déjà parlé, je m'excuse. Je m'excuse. Jerningham Wakefield était un politicien en Nouvelle-Zélande qui était tellement connu comme étant un Soulon que ses amis l'embarraient dans le Parlement pendant la nuit pour le garder sobre, assez pour qu'il puisse voter le lendemain. Par contre, ça a été un échec en 1872, quand ses ennemis politiques ont commencé à faire descendre des bouteilles de whisky par la cheminée du Parlement. Non! Je te jure. Wakefield, un Soulon connu. C'est très drôle. Wow. Ben, c'est pas drôle, parce que, tu sais, évidemment, il y avait quelques responsabilités, puis à cause de ça, j'imagine que ça l'a un petit peu foiré. C'est ça. C'est vraiment l'opposition qui a entendu parler de son problème, qui était embarré dans le Parlement, donc ils lui ont descendu de la boisson, justement, pour qu'il vote peut-être pas du bon bord, finalement. Non. C'est quand même quelque chose. Ensuite, toute une tactique. L'arbre manchineel est considéré comme un des arbres les plus empoisonnés au monde. Ça cause des petites... des bulles, comment t'appelles ça? Des blisters, des... Des bulles. Des bulles sur les... quand tu te... Voyons, je dois être pas bon aujourd'hui. Attends. Ben là, j'essaie de savoir ce que tu essaies de dire. Des gouttes? Tu sais de quoi je parle, c'est juste que tu te rappelles pas du nom, là, les cloques, des ampoules. Ah, oh, voilà. Les ampoules. Donc, c'est à cause des ampoules, si tu restes sous l'arbre pendant la pluie, ça okay. va t'aveugler si la fumée de cet arbre-là touche tes yeux. Et ça peut empoisonner l'eau par ses feuilles. Et ça va causer ta mort si tu manges ses fruits. Ta boy. Le Manchineal Tree. Puis tu trouves ça où? Ah, c'est pas écrit, malheureusement, dans l'article. C'est très bon. Oh, ça, vous allez vous promener en dessous pendant que vous mouillez, vous savez juste pas. On va aller voir sur Wikipédia. Manchineal, c'est dans les les régions tropicales. J'imagine que c'est dans les régions très chaudes, ouais. Ouais. Un petit peu. Est-ce que la... Oui, la distribution, OK. Donc, dans les Caraïbes, dans l'État américain de la Floride, dans les Bahamas, Mexique, l'Amérique centrale et le nord de l'Amérique du Sud. Ah, au moins. Voilà, c'est ta réponse. Oui, merci. Après que le bateau de John F. Kennedy à la Deuxième Guerre mondiale soit coulé, il a écrit un message sur une noix de coco demandant de l'aide. Le message sur la noix de coco a fonctionné. Kennedy a gardé la noix de coco et c'est devenu un presse-papier présidentiel qu'on peut voir présentement dans le musée. De ces. Le musée. Dans un musée. Voilà. Une noix de mais coco non. présidentielle. Intéressant. Et finalement, tiens, l'encyclopédie Chinese Young Girl, complétée en 1408, était la plus grande encyclopédie à jamais avoir été créée jusqu'à ce que Wikipédia la surpasse en 2007. Ah ouais? Ouais. Mais maintenant, c'est pas dans cette affaire-là que j'irai chercher mes réponses live pendant la chronique, là. Non. Le Chinese Young Girl. Est-ce pas qu'il sûr est là pour non m'aider? Plus. Non. Pas Wikipédia vraiment. Est là pour moi. Voilà. C'est tout pour cet un fait. AssemblageRocky.com pour les liens. Au retour de la pause, ce sera Marie-Laurence Audet qui va être oui. avec nous pour sa dernière chronique. Sa dernière! Du loisir bien plus qu'un jeu. Restez là, si vous êtes capables. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Bonjour, vous êtes à Assemblage Reiki en ce lundi 21 décembre 2015. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Absolument, merci beaucoup d'être là, tout le monde. Merci d'être avec nous. Marie-Laurence Audet vient d'arriver. Oui. Ça va bien, Marie-Laurence Audet? Oui. Génial. Est-ce que t'es prête à faire ta dernière chronique à vie? Oui. Bon, allons-y. Elle est triste. Je suis triste. On a remplacé dans ton intro les sifflets par des pleurs. Oh. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bon, je vais arrêter là. Ouais, ouais. Non. C'est assez traumatisant, merci, ça m'a fait. Marie-Laurence Audet, la chronique Le Loisir bien plus qu'un jeu. Merci d'être là pour une dernière fois. Fait même pas dans ta case horaire habituelle. T'as pris vraiment ton lundi matin particulièrement pour nous. Oui, mais je voulais être là pour la dernière d'Assemblage Reiki. Je trouvais que c'était un bon fit. C'est ça vrai. Ça fait très bien. Donc, ça fait 3 ans environ qu'on reçoit à l'émission. Oui. Les gens s'en rendent pas compte parce que ça passe vite. C'est fou, hein? Ça passe vraiment vite. Non, c'est vrai. Et il y a des fois où tu étais une semaine sur deux, des fois aux semaines. Donc, l'échelle temporelle a changé avec le temps. J'ai déstabilisé les gens pendant 3 ans. Absolument. Moi, je suis tout mêlé. T'es qui, toi? T'es qui, toi? Et je suis là pour te mettre mal à l'aise une dernière fois, moi, je pense. Tu réussiras pas. Je réussirai. Même les pleurs sur l'intro, ça n'a pas fonctionné. OK, un petit peu. Un petit peu. Ouais, c'est légèrement malaisant. Donc, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, je voulais faire un lien avec le titre de ma chronique. Écoutez bien ça. Ok. Oyez, oyez. Oyez, oyez, mesdames et messieurs. Non, mais quand j'ai choisi au début d'appeler la chronique le loisir bien plus qu'un jeu, en fait, c'était pour pousser plus loin que l'image qu'on a du loisir à la base, qui est de dire oh, c'est un simple divertissement banal comme une récréation. Ouais. Qu'il y avait derrière ça des recherches, qu'il y avait des impacts dans la société. On l'a vu à travers les 3 dernières années, les différents sujets que j'ai abordés dans mes chroniques. Mais j'ai trouvé un aspect aussi négatif, qui était le loisir bien plus qu'un jeu, mais quand le jeu va pousser trop loin dans le sport puis qu'on se rend à des conséquences comme des commotions cérébrales. Ah en fait. Oui. Donc, j'ai un petit lien avec mon titre. En fait, ce que j'ai trouvé, c'est que la semaine dernière, vendredi... le 14 décembre, c'est quel jour? Lundi dernier. Oui, lundi. Lundi pile.

ça fait mais c'est pas une chronique propre. Non, c'est ça, même que des fois, on se demande si ça laisse des taches en dessous des bras. Oh, tellement on fait transpirer de stress et d'émotion. Mon Dieu. Waouh, on s'en est sorti. On s'en est sorti. Donc aujourd'hui, je sais qu'on parle de blues, David Ferron. Ben, un peu de blues. Oui, et de bleu, en fait. On t'a dit sur Facebook que tu parlais de bleu. Il n'y a pas juste du blues. Ben, il y a du bluegrass aussi. C'est ça, une autre sorte de bleu. Ben oui, puis en fait, on va aller autant en Côte-Nord qu'au Maroc, fait qu'on va connaître tous les extrêmes climatiques ce matin. Oui, ben on a déjà une émission sur le Maroc, hein? C'est fou, Maroc classique, on se rappelle. Oui! Oui! Est-ce que ça paraît que c'est moi qui ai écrit la pub qui fait des jeux de mots sur les noms des émissions? Ben non. Personne n'a deviné ça. Ben non. Moi, je suis d'accord avec Tania là-dessus. Ouais, ça aurait pu être n'importe qui, tu sais. Ben oui. Ouais. Ça aurait pu être Guy Mongrain. Ça aurait pu être n'importe Guy Mongrain, exactement. Hey, t'as sorti un gag, David Ferron, sans le savoir. Ah, yeah! Hey, ça finit bien l'année, ça. Ben, c'est ça. N'importe qui, mon gars. OK, tu peux continuer en parlant de blues, s'il te plaît. Oui, donc, je vais présenter trois artistes pendant que Tania et moi, on se touche les pieds. Ouais, excusez, je l'ai frappé. Ouh. Ah, tu gâches le fun. Ah, excusez. J'aurais dû garder ça mystérieux. On se rappelle que David Ferron a malencontreusement éteint un ordinateur plusieurs fois avec son pied, tellement il bougeait son pied dans le passé. Donc, là, il faudrait faire attention pour pas éteindre Tania. Ouais. J'en ai besoin. On peut la rebooter, par contre. On peut faire les mises à jour, mais... Donne-moi du café. Éteignez-la pas. Ben, de toute façon, Noël s'en vient, fait qu'on a le temps en masse d'encrasser notre système avec de la dinde, de la tourtière et plein de trucs nutritifs. Miam Nutella. Oui. Nutella. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter trois chansons de toutes les époques et de tous les horizons. Donc, je vais vous présenter les artistes dans l'ordre croissant qui vont être présentés. Ah, d'accord. Oui, donc la première toune, ça s'appelle Sid Redad et l'artiste c'est Fadoul et c'est une vieille chanson, mais on peut retrouver cette chanson-là notamment dans Autumn in Jakarta et ça c'est tiré d'un album compilation de la maison de disques Jakarta Records. Et en fait, qui est ce Fadoul? Fadoul, c'est un chanteur marocain considéré comme le James Brown James Brown, c'est la fin de session. Ben James oui. Brown. Oui. Okay. Donc, James Brown du Maghreb. Pourquoi? Parce que Fadoul reprend souvent des chansons de James Brown au cours des années 90, mais 70. Mm-hmm. Est-ce qu'il a repris Adele? Genre Fadoul. Oh. Fadoul. Hello. On parlait. Fadoul. C'est ça. Non, pas encore, pas à ma connaissance, parce qu'il était vraiment spécialisé dans les années 70. En fait, son heure de gloire était dans les années 70. Mm-hmm. Et la chanson qu'on va entendre, Sid Redad. Hey, j'ai vraiment de la misère avec certaines lettres aujourd'hui. Oh, mais c'est même pas en français, là. Tout le monde t'excuse, là. Ben, Sid Redad, là, c'est pas naturel, ça. Ben, pas pour nous, mais il faut que je me pratique. Donc, Sid Redad, en fait, c'est une reprise d'une pièce de James Brown qui s'appelait, en fait, Papa's Got a Brand New Bag. Papa a un nouveau sac. Oui, oui. Et l'artiste, au nom de Fadoul, a été redécouvert il y a quelques temps par Janice Stewart. Je sais pas si je le prononce comme du monde. Donc, c'est Janice Stewart, qui est un passionné de musique originaire d'Allemagne. Et lors d'une visite à Casablanca, au Maroc, il découvre justement Fadoul et il décide de rééditer ses chansons et ses disques sous sa compagnie. En fait, il y a comme deux compagnies. Ça s'appelle Habibi Funk Records et Jakarta Records. Donc, c'est les compagnies de disques de Stewart. Et grâce à Monsieur Stewart, on va pouvoir entendre Fadoul. Janice, qui s'appelle Janice, l'autre? Le gars de Jakarta Records? Oui, ça, c'est comme le producteur. Il n'aurait pas pu appeler sa compagnie Janice d'aujourd'hui? Nia, il est en feu. Hein? Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Il a pris un café ce matin. C'est non, non, même pas encore. Juste ça? Ah, même pas encore? Pas encore. Mon Dieu, tu t'es levé du bon pied ben ce oui. matin? Ben oui. Oh, wow, c'est bon ça. Wow. Alors, contrairement à Tania qui se réveille du pompier, parce que le calendrier de pompier dans son... C'est pas ça que tu m'as dit? Ben oui, en théorie. C'est ça. Okay. Fait que tu peux dire que tu te réveilles du pompier. Oh, c'est bien. Moi, c'est pas tous des pompiers, par exemple, dans celui-là. Ok, excuse. En tant qu'il a un uniforme, mais qu'il porte pas, là. Ouais. T'aimes les hommes en uniforme s'ils ne portent pas leur uniforme. C'est ok, on passe à un autre sujet. Okay. Est-ce qu'il y a un malaise ici? Aucunement. Donc, il y a un malaise seulement si tu laisses le malaise. C'est bon. Donc, avant que Tania calcine... Oui? Ben là, on va s'en aller au Côte-Nord. Ah ouais? Oui. OK. Là, on passe du Maghreb et là, on s'en va un petit peu plus en haut. Un petit peu. Ouais. Tout juste un tout petit peu. Juste un peu. Oui, exactement. En Côte-Nord. Et là, c'est Mathieu Vachon. Et Mathieu Vachon, qui est-il? Eh bien, c'est un artiste assez polyvalent parce que, d'abord, c'est un auteur, compositeur, interprète, mais c'est aussi un réalisateur de documentaires. Et ça, en fait, quand il a réalisé son documentaire, c'est grâce au projet Wapikoni Mobile. Là, je fais une parenthèse. C'est quoi ça, Wapikoni Mobile? Eh bien, c'est très simple. C'est un projet qui permet à des jeunes artistes autochtones de réaliser... soit un documentaire, ou soit, ben c'est surtout ça, des documentaires. Et ça permet justement à des talents autochtones de se mettre à l'affiche, et ça, c'est vraiment très bien. Et justement, Mathieu Vachon a sorti récemment une chanson sous Nomade Musique. Et ça, Nomade Musique, c'est quoi? Une autre petite parenthèse, c'est en fait une entreprise d'édition musicale qui vise à valoriser la... production musicale autochtone partout au Québec, mais aussi au Canada, je crois. Et donc, Musique Nomade a édité sur SoundCloud vraiment récemment la pièce Petecat de Mathieu Vachon qui vient de la Côte-Nord, justement. Et vraiment, ça m'a fait penser un peu à la manière de chanter, à la manière d'arranger la mélodie, un peu à du Lisa Leblanc. Okay, okay. Ah, ouais? Ouais, je sais pas pourquoi, il y a un petit côté Lisa Leblanc, je trouve, dans sa écrit? Manière. Ah, oh, excusez, c'est pas ça que je le dis. comme l'écrit la communauté autochtone des cris. Ah, ben oui, c'est raciste. Ça. Non. Okay. Mais c'est parce que, en fait, Mathieu Vachon, si je ne me trompe pas, il est Innu, donc il vient de la Côte-Nord, et la communauté, si je ne veux pas vraiment massacrer le nom, mais c'est Washat Makmani Utenam, ça c'est au Côte-Nord. C'est donc que ça s'appelle Weshat, hein, genre quelque chose comme ça. Puis sa chanson, c'est Petecat, mais comme flatter un chat. Mais c'est pas de même, là. Non, mais ça se dit comme ça. Ça se dit Précat. Précat. Oui, ben c'est Washat Makmani Utenam. C'est ça, comme un chat. Exactement. Donc, Mathieu Vachon va, grâce à sa mélodie, ça va ronronner dans vos tympans. Ah, c'est bon. Oh. Ou encore, comme un trifluvien aurait pu dire, on va se gâteouiller avec Mathieu Vachon. Gâteau Vachon. On va se gâteouiller parce que les trifluviens sont... Donc, tu sais que t'es trifluvien? Ouais, je sais, mais je parle pas de même non plus, tu sais. Ok. Hein? Une chance! Tu perds le bien, Mathieu. Non, je parle comme une personne normale devrait parler. Ah, ok. Donc, on salue les trifluviens qui parlent la trifluvie. Oui! Oui. Il y en a beaucoup. On vous aime pareil, mais lâchez un peu les gâteaux, hein, s'il vous plaît. Ah, parce que les gâteaux, ça salit la langue. C'est ça. Donc, pour ça, c'était notre deuxième artiste, Mathieu Vachon, avec PT4, qui, lui, a vraiment un excellent univers musical très enrichi, vraiment. Donc, là, on passe à la troisième chanson, qui est Passe-Pied. En fait, c'est un cover. Ben oui, c'est ça, je voyais. Ben oui, un autre cover après la pièce de James Brown. Ben, là, on s'en va dans le domaine du classique avec Debussy, The Punch Brothers. Ça, c'est un groupe new-yorkais qui fait du bluegrass, mais qui incorpore des éléments de musique de chambre. Donc là, ils reprennent dans leur album The Phosphorescent Blues la pièce Passe-Pied de Debussy. Donc, The Phosphorescent Blues, qu'est-ce que c'est? Ben, je viens de le dire, c'est un groupe new-yorkais, mais leur avant-dernier album, c'est ça, The Phosphorescent Blues, qui est sorti en 2015, parce qu'ils ont sorti un autre album récemment, en novembre, donc deux albums en 2015. Et ben, The Phosphorescent Blues, ça a l'air d'être l'album de la consécration, parce que l'album s'est classé en 9e position de la catégorie rock du Billboard, et aussi l'album obtient deux nominations aux Grammys Awards. Mm-hmm. Donc, pour la première, c'est... en fait, le Best Americana Album, et l'autre nomination, c'est pour la pièce Julep pour la chanson American Roots Performance. Et là, je me pète les bretelles parce que cette chanson-là a été mon numéro 1 dans mon palmarès du monde. T'es un visionnaire. Ah, mais je ça, le c'est sais. Vrai. Non, oui. Vrai, dans ton palmarès du monde, il y a des affaires qui ressortent ailleurs tout le temps. Là. Ça arrive vraiment fréquemment. Ben, pas à cause de moi, mais c'est juste que ça se concorde. Tu choisis parce que... bien la musique que tu fais jouer. Ben, on essaye aussi de prendre l'opinion des gens, puis quand une chanson passe bien, puis les gens disent « Ah, bon, on l'aime bien », ben, on l'intègre et il y a des chances qu'elle soit numéro 1. Tantôt, on a parlé contre Lisa Leblanc un peu. Moi, je trouve que tu as parlé de musique de chambre dans ce paragraphe-là. Je me rappelle musique de chambre. Contrairement à de la musique de chambre de bain, c'est Bernard Adamus. Ah, oui, oui. Okay. Ah, oui. Oh, jeu de mots avec. Je sais que c'est salle de bain, mais ça marchait pas pour le gag. Je la si on peut appeler ça un gag. Hein? Je la comprends pas, Tania. Ah non? Non. C'est parce que Bernard Adamus, il tape ses tunes dans sa salle de bain. L'hiver, il chante de même dans sa salle de bain. Tu chantes comme un trifluvien, Mathieu. Non. Il mélange pas les accents. Non. Il mélange pas les accents. Ouais, ça... Trifluvien, c'est gâteauille. Ouais, gâteauille. Pis toi. Gâteauille. C'est bien. Ouais. Après cette longue apostrophe parenthèse. Apostrophe, ok. Ouais. C'est une parenthèse, c'est un peu court, je trouve. Ouais. Comme quand tu veux faire une petite parenthèse, tu dis je vais faire une apostrophe parce que c'est comme une parenthèse, mais tout petit, tout petit. Oui, exactement, mais là, c'était comme un petit peu ambigu, mêlant, fait qu'il y a plein de ponctuations qui n'ont pas d'affaires, là. Wow. Est-ce qu'on écoute de la musique à la place? Ben oui, on aurait bien aimé faire jouer les ponctuations, mais c'est pas dans ma setlist, fait qu'à la place, on va faire découvrir d'autres artistes tout autant talentueux. Donc, on va écouter Fadoul avec Sid Redad, ensuite la pièce PT4 avec Mathieu Vachon et... Passe-pied, une reprise de Debussy de Punch Brothers. Dans la carte Litchi. Oui. Thank you. La pièce Passe-pied, qui est une reprise de Debussy de la part du groupe new-yorkais Punch Brothers, et c'est tiré de l'album The Phosphorescent Blues. Et c'est dommage, on aurait pu faire des bruits d'oiseaux. Je trouve tellement que ce genre de musique, t'entends ça avec des bruits d'oiseaux. Est-ce qu'on la réécoute avec des bruits d'oiseaux qu'on fait? T'es bonne, Anna? De faire des bruits d'oiseaux? Attends, ah non, mais je sais faire une bruit de mouette, mais je suis pas certaine. Ah, ok. OK. Quoi? Moi, je pensais... Pas c'était... bonne, moi, là-dedans. Là. Moi, je pensais que c'était plus colibri, des trucs comme ça. Oh, ah, ah. C'est cool. C'est pareil, pareil. Mais c'est drôle, je m'en venais à pied ce matin et j'ai littéralement, je me suis reviré à la tête parce que j'ai entendu un oiseau. Ah ouais? Mais comme... ils sont pas gelés? Si tu fais là! Ah, il fait 12 degrés. Si tu fais là! Hey, mais ça a l'air qu'il fait tellement pas froid que justement les écureuils sont devenus obèses. Ah ouais, ouais. Malade, ça, je veux en voir un. Ouais, moi aussi. Ouais. Ben, c'est ça, là, ce que j'habitais en Ontario, à Hamilton, c'est la capitale des écureuils. Et là, un moment donné, vu que c'est tellement la capitale des écureuils, il y avait une maison abandonnée et tout le toit était recouvert d'écureuils. Wow! Non, c'est... Ah, baise! C'est ce que le monde pitchait des peanuts. Ah, c'était tellement creepy. C'est pas... Ça aurait pu être... c'est pas les oiseaux d'Alfred Hitchcock, c'était Squirrels. Oh, et le remake de 2016, je pense, bientôt sur vos écrans. Ouais, je vois bien, mettons une star, mettons Emma Watson, se faire écœurer par des écureuils à la fin. Wow, t'as l'imagination, wow. C'est ça qui est le fun. Ouais. Donc, David Ferron, on a parlé de blues, on a parlé de bluegrass. Oui, ça, c'était c'est ça, avant ma longue parenthèse, on venait d'entendre Passe-pied de The Punk Brothers. Là, avant ça, c'est la pièce PT4 de Mathieu Vachon. Et avant ça, une reprise de James Brown à la sauce marocaine de la part de Fadoul. Et le titre, c'était Sid Redad. Eh ben, Fadoul, c'est le frère de Fanny Bloom, je pense. Fanny Doul. Oh, enfin, j'arrête. Je sais pas, là, tu vas trop loin. Un petit peu, hein. Ouais. C'est comme tu pèles, okay. Mais tu sais pas où tu t'en vas. Uh-huh. C'est comme l'infini. Wow. Mais l'infini se retourne contre toi. Ah. Moi, je sais pas quoi dire finalement. Je viens de penser à quelque chose qu'on avait discuté avec Marie-Laurence à l'extérieur des ondes, mais vu que David est là, je sais pas pourquoi, on dirait que ça fit avec le fait que David pourrait le faire avec nous. On pourrait en fait souhaiter bonne fête à notre directeur de la station. C'est vrai, et on n'attendra pas qu'il arrive parce qu'il n'est pas arrivé à ça. Parce qu'il n'est pas arrivé, bon, peut-être qu'il a fêté hier. Peut-être, c'est ce qu'on s'est demandé en ronde aussi. Est-ce qu'il a fêté hier ou est-ce qu'il va fêter ce soir? Parce que nous, les employés, on termine ce soir de travailler. Marie-Laurence de dire probablement les deux. Probablement. Toutes les raisons sont bonnes pour fêter quand t'es en récréologie, en fait, je pense. Ben, c'est bien. Donc, Jean-Philippe Charbonneau, on lui souhaite bonne fête. Comment est-ce qu'on lui souhaite bonne fête? Je sais pas, t'as-tu une chanson de bonne fête? J'ai sûrement ça quelque part. Genre quelque chose de... Quel style de musique qu'il aime, genre? Hey, je sais pas, hein? Mettons, du funk? Ouais. Funky quelque chose, ouais? Ouais. C'est pas pire, on va essayer ça. Ben ouais. C'est genre de disco-funk, mettons, un peu, là. Yeah. Fête, Jean-Philippe! Bonne fête, Jean-Philippe! Bonne fête, Jean-Philippe. Je sais pas ce qu'elle beat que t'es, toi, mais c'est pas le même qu'à moi, hein? Je fais du funk. On a beaucoup de pratique. Ben oui, mais là, comment, vous en donnez pas mal. Non, mais c'est parce que c'était pire qu'une fête d'enfants à 4 ans, là, ou que le clown a peur de chanter lui aussi. Mais c'est les meilleures fêtes, ça, quand les gens sont pas spontanéité, Tania. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'était très spontané. T'es tellement conservatrice. Ah, je suis désolée. Tellement de droite. C'est quand même votre employeur, hein? Ben oui, c'est justement pourquoi on lui souhaite bonne fête. Ben oui, voilà, bonne fête, Jean-Philippe! Quand il arrivera, on lui demandera, il est rendu à quel âge? Il est peut-être... non, est-ce qu'il est arrivé, non? Non. Non. Ben d'ailleurs, il y avait Marie Melon qui est là. Ah ben. Elle voulait lui souhaiter bonne fête. Okay. C'est à l'irée, il donne un gros bec. Oui, mais Marie Melon, elle peut pas faire de hug. Parce que ses mains sont pognées après ses seins et il y a comme un petit téton au bout de chaque doigt. Ok, Marie Melon, c'est comme ça. On peut pas, tu sais, Ah, non, non mais là, c'est parce que j'ai comme peur. Ouais, mais elle peut pas faire de hug, elle peut pas faire de câlin. Okay. Tania! Non. Non. Voyons, Marie Melon. Tu es mon amie! Marie Melon. Quoi? Tu t'approches trop des gens sans que les gens veulent que tu t'approches d'eux. Faut que t'attendes la permission. Qui t'as demandé de quoi, toi? Marie Melon, c'est l'émission de Tania et de moi. Tu peux pas t'imposer comme ça, OK? Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, mon beau Mathieu. Justement, c'est pas une raison pour en plus en mettre trop. Faut que tu sois plus calme. Si tu veux qu'on t'apprécie. C'est les fêtes, faut que tu sois gentil. T'es agressive, c'est bon, Marie Melon, hein? Un petit peu. Tania, j'ai des tétines et je vais te griffer avec mes tétines. Non, c'est pas certain. On dirait un dinosaure, la façon que t'agis. Ouais, tu serais un dinosaure, mettons. Calme-toi, Marie Melon. David! Calme-toi, Marmelon! David, David peut lui faire un hug par en arrière puis l'empêcher de... OK. Non, je... les gens. Non, je vais plutôt la calmer un peu. Tiens, Marmelon. Ah! Ah! Notre nouvelle table, notre nouvelle table neuve, là. Mais je m'excuse, mais ça valait vraiment la peine de casser le crâne de Marmelon avec la nouvelle table. T'as cassé son crâne? Oui. Mon avec Dieu. Une chanson. Elle est morte combien de fois, elle? Cassé mon crâne avec une chanson. Oui, elle est morte combien de fois, elle, à date? Elle est jamais morte, vraiment. C'est juste que... Faudrait que je me repousse les doigts. C'est comme le Terminator. Ouais, c'est horrible. Ouais. C'est comme, c'est beau la résilience, mais dans certains cas... C'est beau la résilience, comment? C'est bien ce que j'ai compris, moi aussi. J'ai entendu, c'est beau la résilience. C'est beau la résilience. Ah, ok, excuse-moi, des fois. Ah, okay. Je les dis trop vite. C'est ça. Je commence. C'est la liaison. La liaison. Wow. Merci, David, et merci, Marie-Melon. Pas Marie-Melon. Merci pas. En tout cas, il y a un mec qui se réveille de son coma. On va faire quelque chose avec elle. Il reste encore, je pense que c'était juste une commotion. Elle va revenir à la forme un jour. Oh, on va lui donner un petit coup juste pour être sûr. Ah, oh. Wow. Bon. Elle est bien assommée, là. Elle est bien assommée. Elle devrait. C'est ça. Elle va changer de personnalité, je suis sûr, en revenant. C'est bizarre, justement, parce que là, je sais pas pourquoi, elle a comme les cheveux orange, des gros yeux, elle a une salopette en jeans, puis une espèce de chandail rayé. OK, OK, OK. Ouais. Puis elle dit comme, « Je suis ton meilleur ami. » Elle dit ça, là, présentement. Ah oui, je sais pas pourquoi. Il y a pas de micro dans son entourage, fait qu'on l'entend pas. Ouais, mais c'est ça qu'elle me dit, puis j'essaie de la tasser, puis là, il y a une fenêtre, puis j'ai le goût de la pitcher. Mais la fenêtre est juste, est comme, pas vraiment haute. Je sais pas si t'as vu. Il y a comme juste 6 pieds, mettons, de hauteur entre le sol, puis là, tu vas juste, ouais, OK, mais tu peux le faire, ça. Je vais l'ouvrir. Ah, OK, OK. T'as un Marmelon. Ah! C'est drôle, on l'entendait pas parler tantôt, mais là, tombe, là, on l'entend tomber. C'est un peu spécial. C'est un peu spécial. Ouais, spécial. Elle est spéciale, elle est de même. Elle avait un micro cravate, je pense. C'est ça. Accroché après ses petites tocons. Merci David Ferron, merci Marie Melon. Bon. Ben, merci beaucoup Tania et Mathieu. Ça fait plaisir. Au retour de la pause, il nous reste la chronique de Tania. Tania is gonna entertain ya. Est-ce que ça va nous divertir plus que ça? J'ai l'impression que non. Ah ouais. Parfait, Jean-Philippe. Parfaite. Yay, baby. Groovy, groovy. It's Groovy Station. Yay. Yeah, yeah, yeah. All right. Oh, yay. C'est fou. 89.1. Visitez cfou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Requis en ce jeudi, lundi, pardon, 21 novembre. C'est la dernière émission de la saison, donc ça se peut que je me trompe avec un jeudi. Donc, toujours à la dernière, oui, d'Assemblage Requis pour 2015, toujours avec Tania Baudin. Et oui, et Mathieu Plante. Oui, justement, c'est le moment de faire diversion. Oui. Pendant qu'on fait des gaffes, des choses illicites. Voici Tania is gonna entertain. Oh, tu fais le poisson. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école, et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. Bonne fête Jean-Philippe. Bonne fête Jean-Philippe. Bonne fête Jean-Philippe. Tania Baudin, bonjour à toi. Hey, bon matin. On est tellement là, on est... a mêlé une coupe. On connecte, je pense, toi. Je pense que oui. On connecte. Ouais. C'est la fête. Oui, c'est la fête à Jean-Philippe en même temps. Fait que ça se peut de se tromper de chanson. Ça arrive. C'est correct. Donc, Tania, Tania is gonna entertain ya, c'est la chronique où tu nous parles de quelque chose de différent tous les jours. Et depuis, je dirais, peut-être une semaine et demie, oui. C'est le guide des fêtes. Oui. De quoi tu nous as parlé jusqu'à maintenant, maintenant? Mais là, j'ai pas mal parlé de Noël. Hein. J'ai parlé des buffets de Noël. Ouais. J'ai parlé des films de Noël. Uh-huh. J'ai parlé de quoi faire avec sa voiture quand il fait extrêmement froid pendant le temps des fêtes. Ouais. J'ai parlé de quoi d'autre aussi, hein? Par rapport au... C'était pas une affaire de famille. Une affaire de famille, quoi, de quoi ne pas parler. Ça, oui. Ça, on a parlé de ça. Parler de comment survivre aussi avec les jeux d'alcool. Oui. On a parlé des parties des fêtes, de bureaux. Tous tes films préférés, oui. Exactement. Sur le jeudi, ouais. Mais là, on a parlé de pas mal d'affaires qui touchaient simplement à Noël. Puis là, je me suis dit, mais oui, mais là, le temps des fêtes s'inclut aussi en temps normal. Le Rosh Hashanah! Oui, le jour de l'an! Ah oui, excuse-moi. Puis là, je me suis dit, je peux pas finir notre année en ne parlant pas du jour de l'an. Ben oui. C'est impossible. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait à chaque année? Parce que c'est pas tout le monde qui va fêter le jour de l'an en famille. Donc, je peux pas nécessairement dire comment survivre au jour de l'an en famille. Mm-hmm. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui fêtent le jour de l'an entre amis, ouais. Le 31 au soir. Et je me suis dit, pourquoi ne pas parler de quelque chose que tout le monde fait au jour de l'an? C'est de prendre des résolutions. Oui, OK, oui. Est-ce que toi, tu prends des résolutions? On fait toujours l'effort d'en prendre une résolution, oui. Tout le monde, il me semble. Combien de temps ça dure, ça, c'est notre histoire? Exactement. Mais là, la question qui m'est venue, c'est justement, pourquoi on n'est jamais capable de garder nos de résolutions? C'est un peu comme, on se fait dire, mettons, fais pas telle affaire. L'affaire que t'as envie de faire, c'est de faire cette affaire-là. Exactement. Mange pas la pomme à Ève dans la Bible, hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange la pomme. Elle mange la pomme. Ben c'est ça. Mais c'est parce qu'il y a des statistiques de l'Université de Scranton aux États-Unis qui révèlent que plus de la moitié de la population américaine va prendre des résolutions. Oui. Okay? Genre la moitié. C'est même pas plus tant que ça. C'est ça. Je pensais que ce serait presque tout le monde. Mais il y a seulement environ 8% qui réussissent à les garder. Qui disent réussir à la garder. C'est ça. C'est ça. C'est ceux qui n'ont pas menti. Qui disent. Exactement. Parce que tu réponds au sondage en disant que oui, je l'ai suivi, ma résolution, oui. Clé d'œil. C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûrement genre 1%. Là. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que, justement, on n'est pas capable de garder nos résolutions? En premier lieu, j'ai quelques exemples de résolutions que les gens prennent. Bien, évidemment, il y a le fameux perdre du poids. Ben oui. Économiser. Oui. mieux manger. Oui. Il y en a beaucoup qui disent arrêter de fumer. Mmh. Arrêter de boire. Ça revient souvent, là. Ça, c'est des classiques des résolutions qui, la plupart du temps, les gens vont avoir beaucoup de difficultés à garder. T'as tout le temps aussi le célèbre gag, ma résolution, c'est 1360 par 768. La gag de geek. Tout le monde fait ça. Oui! C'est ben drôle, à chaque année. Mais qu'est-ce qui... Justement, pourquoi on n'est pas capable de les garder, ces résolutions-là? Pourtant, c'est quelque chose qu'on veut tous. Oui! Tu sais, exemple, arrêter de fumer. Si tu dis que tu veux arrêter de fumer, c'est parce qu'en théorie, tu le veux. Oui. Pourquoi? Mais en premier des lieux, c'est parce que on n'a peut-être pas des objectifs précis. Ouais, c'est trop flou, là. C'est ça, ouais. C'est flou. Il faudrait préciser vraiment ce qu'on veut, là. Tu sais, par exemple, maigrir, comme tu dis, c'est un objectif qui est flou. Ouais. Mais je veux perdre X livres. De dire « je veux perdre 5 kilos ouais. d'ici, je sais pas moi, 6 semaines ouais. », c'est un objectif précis, puis c'est plus susceptible de garder notre énergie et notre motivation que de dire, je veux juste maigrir. Ouais. Parce que justement, t'as pas un objectif à te dire, OK, dans 6 semaines, faut que je sois rendu là. Dans ce temps-là, un objectif précis peut nous permettre de pas nous laisser distraire ou de nous détourner de notre cible par les distractions qui, évidemment, vont survenir. Mm-hmm. Tu sais, comme exemple, je sais pas moi, un restaurant ou l'alcool, en ouais. théorie. En pratique, en fait. Et en pratique aussi. qu'est-ce qui fait en sorte encore qu'on garde pas nos résolutions? Le deuxième point, c'est de pas avoir un plan d'action précis. Mm-hmm. Tu peux avoir un objectif précis, mais ne pas avoir un plan d'action précis. Ça reste des paroles en l'air. C'est bien beau avoir une intention, mais la mise en action est rarement faite. Mm-hmm. Le plan d'action, comme avant tout bon projet, ça doit être mis en place même pour une résolution qu'on désire accomplir. Donc, de dire que tu veux perdre 5 kilos en 6 semaines, faut que tu te dises qu'est-ce que tu vas faire. Faut que tu l'établisses, ton plan. C'est bien beau de dire, ouais, OK, je vais perdre 5 kilos, mais si tu dis pas à chaque 2 jours, mettons, OK, à chaque 2 jours, je vais au gym, ou à chaque 2 jours, je me lève de mon divan le soir, puis je vais marcher. Ouais. Bien, si tu te dis ça, déjà en partant, tu as un plan d'action établi. Donc, ça devrait mieux aller pour que tu puisses conserver ta résolution de l'année. Le troisième point qui fait en sorte que la plupart du temps, on garde pas nos résolutions bien, bien longtemps, ça serait du fait qu'on s'entoure des gens négatifs, des gens qui jugent facilement. Donc, ce qui fait en sorte que, malheureusement, on est trop souvent entouré de personnes sceptiques et négatives qui vont avoir un jugement très facile à l'égard de ce que nous, on veut faire. Au moment où on lutte avec nous-mêmes pour puiser courage ou qu'on veut réussir, tout simplement, bien, eux réussissent par un mot ou une phrase à éteindre toute notre motivation. Ouais. Ce qui est la plupart du temps très vrai. Tu sais, exemple, tu vas jaser à un souper avec tes amis, tu vas dire « Ah, c'est quoi ta résolution? Ah, ben là, sérieux, moi j'aimerais ça diminuer ma consommation d'alcool, mettons. » Exemple. Bien, automatiquement, il y a quelqu'un qui va dire « Bah, tu seras jamais capable. » Oui, oui, oui. Ou « Ah, juste un petit verre, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. T'es plate, t'es plate. Ah, t'es plate, là. Pourquoi t'en prendrais pas un? Ah, ouais. Franchement. T'es bien, voyons. Automatiquement. Non, excuse-moi, Ginette. Ginette. Automatiquement, ces gens-là prennent une espèce de déçu sur la pensée que vous avez à garder votre résolution. Puis, de ce côté-là, votre motivation va commencer à descendre. Donc, au contraire, choisissez des personnes de confiance dans votre vie comme interlocuteur ou motivateur fiable. Ouais. Tu sais, d'avoir des gens qui vont dire « Ouais, vas-y, t'es capable. J'ai foi en toi. » J'ai foi en toi. Ou « Je vais y aller avec toi. Oui. » C'est quoi « Je le fais avec toi. » Juste le fait d'avoir quelqu'un à côté de vous qui va comprendre votre résolution, bien souvent, ça va vous aider à la garder parce que cette personne-là va devenir une source de motivation encore plus grande. Parce que bien souvent, l'espèce de petit défi là, entre deux personnes, ça va donner justement à qui va gagner. Qui va être capable de garder plus longtemps? Tu veux un empowerer et non pas un enabler. Ben, c'est ça. Ouais. Justement, t'sais, tu veux pas aller au gym avec quelqu'un qui va te regarder. Oui. Puis qui va te dire, genre, ben, tu réussiras pas. Là. Faut s'inter-encourager. C'est ça. Donc, et s'auto-encourager. Ben oui, évidemment. Le quatrième point. Mais là, j'ai pas terminé ma chronique, inquiétez-vous pas. Le quatrième okay, point. Ok, c'est pas 4 de 4. Non, non. Okay. Ben, c'est un 4 de 4 sur ce sujet-là. Ah, là. Mais pourquoi on n'est jamais capable de garder nos résolutions? C'est par manque de persévérance aussi, selon l'étude. Il n'y a rien de facile ni de magique dans la vie, ça, tout le monde le sait. Mais pourquoi la persévérance est nécessaire? Bien, les gens persévérants obtiennent des résultats que les gens non persévérants obtiendront jamais. Donc, de ce côté-là, la persévérance, c'est une qualité, une vertu qui nous amène à nous accrocher à notre objectif, et ce, malgré les obstacles. Donc, de se dire, même si au bout d'une semaine, t'as pas nécessairement atteint où tu voulais être, persévère. Oui. Tu sais, comme je le disais, tout ça mis ensemble fait en sorte qu'en théorie, on devrait être capable de garder nos résolutions. Ben, c'est ça. Ça commence vraiment par le vouloir. Tu l'as dit tantôt, c'est que les gens ont l'impression qu'ils sont obligés d'avoir une résolution. Ben oui. Tu sais, fait qu'ils vont dire, oui, je le veux. Mais en fait, ils l'ont jamais vraiment voulu parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est suivre la mode d'avoir une résolution. Et est-ce que tu savais qu'il y a plus de 65 % de la population qui dit ne pas avoir de résolution, mais dans leur tête, ils ont une résolution pour justement pas se faire dire « Ah, t'as pas été capable ». C'est un bon point, ça. Peut-être ne pas partager votre résolution. Exactement. Mais il y en a qui vont faire le contraire, qui vont dire « Je vais partager le fait que je veux, mettons, perdre du poids » parce qu'ils se disent que si je pense avoir des comptes à rendre à d'autres, ça va me motiver. Ouais. Mais ça a peur de marcher plus. Non, c'est ça. Parce que les gens, ils disent ça en l'air. Oui, t'sais, oui. C'est comme la pensée absolue. Hein? Oui. Bien souvent, il y a des gens qui vont dire « Ah, moi, j'aimerais donc ça faire de l'argent. Oui. » Mais tu prendras pas nécessairement les moyens pour y arriver. Le célèbre aussi « J'aimerais ça avoir une job. » Puis là, ils écrivent sur Facebook « Si quelqu'un a une job, allez-y. » Pensez ouais, à mais moi. Peut-être qu'il faut que tu travailles pour ça. On va peut-être pas t'adonner du cul dans le bec. Non. Ouais. Pensez à quelqu'un, là. Bah, absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Okay. Mais ça arrive. Ça arrive, ce genre de gens-là. On connaît tous ces gens-là. On connaît tous ces gens-là. Certains d'entre vous l'êtes vous-même. Sûrement. Ce genre-là. Sûrement. Oui. Donc toi, Mathieu, est-ce que tu vas prendre des résolutions? Je pense pas, non. Non? Est-ce que t'es du genre à prendre des résolutions ouais. en normal? Ouais, je suis genre à me dire, bon, cette année, là, je vais m'arranger pour manger moins de fast-food. T'sais. Ouais. C'est sûrement l'année où j'ai mangé le plus de fast-food. Ouais. Cette année? C'est ça. Donc en 2014, t'as échoué ta résolution? Absolument, absolument échoué. Ah ouais? Mais ouais, faut que ça change. À chaque année, je le dis, faut que ça change parce que c'est le compte en banque qui en souffre après ça. Ben c'est vrai. C'est vrai, ça revient. T'sais, tu dis moins de fast-food, oh, ça vient. Économiser. C'est ça. Bien souvent, les résolutions vont venir s'égaliser aussi. Oui. Tu sais, quand tu veux quelque chose, quand tu veux mieux manger, tu veux perdre du poids, bah, de ce côté-là, ça s'égalise. Oui. Si tu veux arrêter de manger du fast-food ou économiser, ça aussi, ça... C'est ça. Il y a tout le temps des conséquences à chaque affaire. Comme, tu sais, mettons, aussi. Ça pourrait être ma résolution, pourrait être genre, va passer ton permis, man. Oui. Ça pourrait être ça, parce que ça mène à d'autres choses. J'ai essayé de m'acheter quelque chose cette semaine avec un plan de financement. Il demandait soit un numéro de passeport ou un numéro de permis de conduire. C'est vrai? J'ai aucun des deux. Faut peut-être que je me force un peu, tu sais. T'as pas de numéro de... Ah, t'as pas de passeport. Pas de passeport. Mon ça Dieu. Ça fait dur, là. Oui. C'est ça. Ben, pas ça fait dur, mais... 2016. C'est difficile. Oui, je sais, c'est très difficile. Ça, c'est comme les quand tu déménages, puis que tu veux faire changer un compte d'adresse, oui. Mettons, ils vont te demander deux preuves de résidence. J'ai jamais les deux preuves. Jamais. Fait que je suis obligé d'amener un compte de câble au distributeur, quelque chose comme ça. Puis oui. Des fois, ils le prennent, mais pas toujours. Une carte d'hôpital, la plupart du temps, ça fonctionne. Ah, j'avoue. Ça dépend de la place, mais c'est difficile d'être un humain en 2015-16. Et de ne pas avoir ni passeport, ni permis de conduire, ça te met des bâtons dans les roues pas mal fort. C'est vrai, ouais. Hein? Ouais. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu vas faire au jour de l'an? Est-ce que tu fêtes ça en ami? Tu fêtes ça en famille? Ça dépend de l'année. Ouais. Je pense que l'année passée, c'était rien du tout. OK. Il me semble que c'est plus Noël qui est fêté dans la famille. Ben, tu sais, pas Noël au sens propre, là, mais tu sais, genre la fête de genre de Noël, mettons. Mais pas vraiment le jour de l'an. OK. Donc, tu vas rester de ton côté? Je sais pas, probablement, ouais. Ouais. On va voir. Bien, pour ceux qui savent pas... Je suis ouvert aux offres. Ouais, c'est ça. Mesdames. J'ai un gui au-dessus de la porte. Pour ceux qui savent pas, qui savent peut-être pas où célébrer la nouvelle année cette année, bien, à Trois-Rivières, il y a 12 endroits où vous pouvez célébrer ça. 12? 12. T'es à compter? C'est parce qu'il y a juste 12 endroits à Trois-Rivières. Non, mais en fait, c'est un article de Tourisme Trois-Rivières. Ah, d'accord. Puis, ça va de différents prix, hein, je tiens à vous le dire. Donc, tout dépendant de votre budget et tout dépendant des réservations, parce qu'il y a des places qui sont limitées. Donc, si jamais vous désirez aller à une place, assurez-vous d'appeler ou d'aller voir le site Internet pour savoir s'il reste de la place. Ouais. Est-ce qu'il faut un permis de conduire et un passeport? Ça dépend. Pour précommander. Pour précommander, oui, c'est ça. En temps normal, le numéro de carte de crédit devrait être correct. La première place, c'est au Poivre Noir. Ouh, fancy. Exactement. Pour ceux qui sont fancy, ça tourne autour de 120 $ par personne. Mais c'est un souper 5 services. Et au coup de minuit, évidemment, vous allez trinquer la nouvelle année avec un verre de champagne qui vous est offert et tous les gens qui vont être dans la place. Qui vous est offert dans le sens que vous l'avez payé, tu sais. C'est ça. Ouais. Les cuisiniers? Ben, j'imagine. Peut-être. T'es sûr qu'ils peuvent se permettre ça? La nouvelle année, sûrement. Ouais, peut-être. Ben, j'espère. Pour eux, oui. Ouais. Le deuxième endroit où vous pouvez aller fêter pour le party du 31 décembre, bien, c'est à la microbrasserie L'Archibald. Cool, oui. Oui, ça fait quelques fois que je vois les fameuses annonces du party du 31. Et je me suis dit, mon Dieu, ça doit être quand même assez quelque chose de festoyer la nouvelle année dans cet endroit-là. À côté du Rona. Oui, mais tu rentres là, puis déjà, ça fait bûcheron, ça fait nouvelle année, ça fait rigodon. C'est pareil comme au Rona, finalement. C'est aussi fait en bois. C'est ça. C'était facile à construire, t'es à chaque côté du Rona. Exactement. Hey. Ça commence à 22h le 31 décembre, si jamais ça vous tente d'y aller. Et ça, apparemment que c'est toute une soirée en perspective, parce qu'il va y avoir le groupe Best Of, DJ Pat Dupuis, Seb de Launière, pardon. Il va y avoir des snacks, plusieurs surprises. Aussi, vous pouvez aller voir sur la page Facebook pour le billet. Donc, okay. Si jamais vous voulez acheter un billet, allez voir la page Facebook. En temps normal, ça devrait être 20 $ en prévente ou 25 $ à la porte. C'est pas si pire. C'est pas si pire, non. Je me disais, moi, justement, pour un bon party des fêtes, je trouve que ça a du sens. Mm-hmm, mm-hmm. Ça a bien du sens. Le Gambrinus aussi qui fait folie le 31 décembre, si jamais ça vous tente, c'est rendez-vous à partir de 17h par contre. Aha. Donc, c'est quand même plus tôt. Assurez-vous d'aller voir la page Facebook encore une fois. Il va y avoir des DJ, des bouchers, des bulles. Est-ce qu'ils font leur propre bulle? Je sais pas. Il y a la bière, le Barry en folie. Ah, je connais pas qui ça. Qui est une bière spéciale à volonté, le temps d'une chanson. OK. Ouais. Fait que t'as 3 minutes et demie pour caler autant. Aïe, aïe, ben alors j'espère que c'est une plus longue chanson, ça. Ben, je sais pas, hein. Tu sais, les rigodons, en temps normal, c'est long. Ouais. Donc peut-être que... C'est sûrement une chanson à boire. Peut-être. Ah, peut-être. C'est ou plus... à répondre. Oui, oui. Parce oui. que du moment qu'il y a une chanson à répondre, ça prend plus de temps. Ben voilà. Tu peux plus boire. Mm-hmm. Mm. Évidemment, le temple... Une place ouais. culte pour les esprits festifs, comme ils disent. Eh bien, c'est 10 $ en prévente ou 20 $ à la porte. Mais là, encore une fois, beaucoup, beaucoup de prix. Vous allez avoir des bulles aussi au coup de minuit. Puis, si vous allez au temple, vous avez fortement une chance de pouvoir embrasser quelqu'un à minuit. Ah oui, c'est ça, parce que les gens attendent juste ça. Exact. Ouais. Ben, honnêtement... T'es-tu déjà sorti le 31 au temple? Moi, j'ai jamais été au temple le 31, non. Je me dis que ceux qui veulent frencher, ça doit être là qu'ils vont aller. C'est ça, le reste de l'année, ils font juste te stalker et te, ouais, être creepy. Ben, peut-être pas. Il y a du monde creepy au temple, bon. Mais c'est des gens qui aiment danser, laisser aller leur fou. Ouais. Donc, de ce côté-là, je suis d'accord. De ce côté-là, si tu veux danser ta vie, ouais, le 31 décembre, t'assurer que tu vas suer au grand complet ton souper de Noël, aller au temple. Parce qu'en temps normal, les DJ sont excellents. Puis, c'est une place où que tu peux justement laisser aller ton fou sur la piste de danse. Beaucoup plus que, mettons, le Gambrinus. Là, tu peux pas... je me verrais mal danser au Gambrinus. Ouais, non, c'est tout petit, le Gambrinus. Exactement. Mais justement, je préfère les places petites que les places comme le temple. Oui. Ouais. Chacun son genre de place. Hein. Chacun, ben c'est ça. Chacun son genre de festivité. Voilà. Hein, le 31 exact. Décembre, ça dépend de la personne que vous êtes. Il y a aussi un party au Rouge Vin à l'Auberge du Lac Saint-Pierre. L'Auberge du Lac Saint-Pierre, par contre, c'est 202$ par personne. OK, wow. Donc, assurez-vous de voir si vous voulez y aller avec quelqu'un ou aller sur le site Internet pour réserver si jamais ça vous intéresse. Le temps d'une pinte qui fait un banquet du réveillon et une partie du Nouvel An. Ça doit être la fin. L'entrée est gratuite. Mais il faut payer pour manger. J'imagine. Attends, là, j'essaie de voir. Blablabla. Il y a un bingo du Nouvel An avec prix. Mario Kart Nintendo 64 sur écran géant. Pardon? Oui. Wow! Au deuxième étage après minuit. Malade! Alors après minuit, tu peux y aller, Mathieu. Hey, c'est fou, ça! C'est hot, hein? Ben là! Vive le temps d'une pinte! C'est vraiment cool. Déjà que c'est une place que j'adorais. Crime! Du coucou à minuit. Tu sais, du petit coucou, là. Non? La boisson. La. Tu connais pas la boisson, non, petit coucou? Absolument pas. Ah, OK. J'en veux. ouais, c'est ça, j'en veux. Un panache conçu spécialement pour le Nouvel An. Donc, ça a l'air à brasser du côté du temps d'une pinte. Mais si jamais vous êtes du genre à rester un petit peu plus calme, à jouer à Mario Kart 64 de ce côté-là. Ça m'atteint pas mal, je te dirais, ouais, ce party-là. Ouais, ouais, ouais. Si vous êtes du genre à danser en ligne. Moins. Au party du Nouvel An, et vous faites aller à la petite grenouille. Il semblait que c'était une autre place, que le temps d'une peine semblait ben aussi. Oui, ben ça, oui. C'est ton genre de place. Oui, j'aime bien les petits chansonniers. J'aime ça danser en ligne. Je fais une confession en radio un matin. Non, c'est correct. Moi, si c'était de la danse en ligne, ce serait genre sur mon clavier, genre sur Internet en ligne. C'est ouais. Pas ce que je veux dire. Ah, oh, mais t'aimes pas ça danser en ligne? Non, j'aime pas danser. Ah, oh, Mathieu. Je sais, on n'est pas pareil pour tout. Mais non, je sais. Mais non. Mais d'ailleurs, il va y avoir les chansonniers Martin Pelletier et Amit et Légende, groupe de folklore traditionnel québécois. Donc, de ce côté-là, comme je le disais, folklore, rigodon, danse en ligne, du côté de la petite grenouille, c'est tout le temps très, très apprécié. Il va y avoir un verre de mousseux gratuit à tout le monde à minuit pour commencer l'année du bon pied. Et bref, plaisir assuré. Ça commence dès 21h le 31 décembre. Je ne sais pas s'il va y avoir... extrême full. Par contre, les billets sont à 10$ en pré-vente au bar et à 15$ à la porte le soir même. Donc, de ce côté-là, c'est sûr que c'est un petit peu plus dispendieux qu'en temps normal. Ouais. Mais... Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Hey, c'est le Nouvel An. Ben voilà. Résolution, après ça, économiser. Il y a le Delta à Trois-Rivières qui fait une soirée pour le Nouvel An aussi. C'est 65,95$ par personne. Et 112$ pour l'hébergement, mais ça, j'imagine que ça dépend de ce que vous voulez faire. oui. Mais vous pouvez appeler pour vous renseigner. Donc, allez sur le site Internet ou sur la page Facebook pour réserver de ce côté-là. On fonce Delta. Ben on oui, fonce hey, Delta, ça, DJ, chanteuse, bouffe, buffet, écoute. C'est... Bouffe et buffet, incroyable. De toute beauté. Ouais. Le Coconut Bar. OK. Trois-Rivières West. Finalement, tout le monde fait un party du Nouvel An. Ben, je pense que c'est un peu nécessaire. Hein. Je suis comme la seule qui sortira pas, moi, là. Hey, quand même, non. Hein. Pour le Coconut Bar, c'est 8$ à l'entrée. Il y a des prix de groupe sur réservation, si jamais ça vous tombe. Si vous êtes une gang à y aller, là, ouais. qui va... Je sais pas, mais tu sais. Hein. En tout cas. L'embuscade est la place où ça va coûter le moins cher le soir du Nouvel An. Et il y a un line-up quand même assez d'aplomb là, pour cette soirée-là. C'est 5$ en pré-vente et 10$ à la porte. Il y a des billets disponibles depuis le 18 décembre au bar seulement. Mm-hmm. Donc, je ne sais pas s'il y en reste. Allez faire un tour sur la page Facebook si jamais ça vous intéresse. Il va y avoir... Attendez. J'avais les bennes, mais là, je les ai perdues. En tout cas, il assure une soirée haute en couleur pour le Nouvel An du côté de l'embuscade. Il y a le pot papier et cocktail aussi qui fait une soirée spéciale. C'est un souper, par contre. Okay. Je tiens à vous avertir, c'est un souper 5 services. C'est 85$ pour le billet. Tartare. Oh. Oui, hein, c'est... Hein? Crème d'oignon, cheddar et bacon, tartare sauvage de sanglier, thon sur thon, ragoût de bison cochon et chun cheesecake. Oh, ça a l'air composé de tire-éponge, chocolat au coureur des bois et sirop de betterave. Ouf! Ouf! Sur ce, moi, je vais aller au pot. Tu t'as changé d'idée, ouais, laisse-moi sortir. Hein? Je vais... Le party de famille. il va y avoir des DJ aussi sur place. Je sais que le pot, c'est pas extrêmement gros. Où est-ce qu'ils vont les mettre, je les me DJ? Demande où c'est qu'ils vont mettre les DJ, mais je sais pas. Plusieurs, en plus, DJ. Ouais. Ils vont construire un deuxième étage d'ici le 31 décembre. Je sais vraiment pas, hein. Il va y avoir un bar spécial à huîtres. OK. Tu sais, des huîtres, des là. Huîtres, oui. Ah, merci. Ça fait plaisir. Mais lui aussi, je me demande où c'est qu'ils vont le mettre. Le bar à 8? Ouais. OK. C'est pas immense, là, le pot. Ben, peut-être qu'ils s'attendent à moins de monde que tu penses, étant donné le prix du billet. Peut-être. Faut être prêt à 17 heures, par contre. Parce qu'on s'entend que d'habitude, le public cible du pot, c'est pas mal des gens genre 16 ans. Hein? Le monde est jeune au pot, on va se le dire. Là. Le monde est vraiment jeune. On part-tu du pot ou du bureau de poste? On parle du pot. Le pot. Ah ouais, tu celui trouves que le monde est jeune? Celui qui fait je trouve que le monde est très jeune. Mais tu sais... C'est relatif, c'est, hein? c'est le pot, c'est où est-ce qu'on est allé après le spectacle? Okay. Je suis au courant. OK. Ouais. Toi, tu trouves que le monde était jeune? Je trouve que oui. Okay. Fait que peut-être qu'ils n'ont pas le 85$. Ah, peut-être qu'ils l'ont pas. Parce que c'est un débat qui pourrait durer longtemps. Là. Mais ça, c'est 12 places où vous pouvez fêter le Nouvel An si vous êtes du genre à fêter le Nouvel An entre amis. Ou peut-être même si votre famille est folle comme la mienne puis décide de sortir, ce qui pourrait être une éventualité. Deux tartares. C'est malade. Wow. Malade. Ça coûte combien un tartare en temps normal? Autour d'une vingtaine de dollars. C'est ça, fait 40 les deux, là. Ouais. T'as déjà la moitié de ton truc de payer, hein? Quand même. C'est quand même pas pire. Puis t'as un gâteau qui semble avoir beaucoup de goût et beaucoup de saveur. Oui. Miam, miam, miam. Merci pour ta liste que tu vas mettre sur assemblagerequis.com, oui, sur la page Facebook, excuse-moi. Certainement. Voilà. Je vais aussi parler des résolutions, mais... Ah, oh, Mathieu, on dirait que je sais pas laquelle que je vais faire jouer, tu en fait. Tu vas faire jouer celle de Beau Dommage, je pense, moi. Ah ouais? Ça ressemble à ça pas mal. Ah ouais, pas l'autre? Je t'impose un peu ça, je pense. Ouais. À moins que... Oh. À moins que tu me forces, que tu me tords le bras, on pourrait jouer les Cowboys. Ouais, mais moi j'aimerais ça, j'aimerais ça qu'on la joue, les Cowboys. OK, on va jouer les Cowboys. OK. Je me suis dit que ça sonnait un petit peu rigodon. Ça pouvait aussi sonner temps des fêtes, surtout avec les paroles. C'est les Cowboys, c'est le chac à Hector. Ouais, je te laisse là, une fois. Là. Yes. C'est tout. C'est bien parce que c'est toi. Mais on finira avec un beau dommage. OK, c'est bon. Yeah. Cowboy fringant. Le chat à Hector. Je te laisse jouer une fois cette chanson-là, mais c'est tout. Je sais. T'aimes pas ça, again. Hein? T'aimes pas ça, le genre de musique comme ça? Ben, c'est un peu... ça joue peut-être un petit peu ailleurs. Mais je trouvais, que ça faisait beaucoup jour de l'an. Un minimum. Ouais, mais c'est ça. Hein? C'est ça. Bref, c'est tout pour ta chronique, Tania. Oui. Merci. Hey, ça fait... l'émission pour l'année. C'est moi qui dis... Hey, je me sens toute joyeuse. Bravo, Tania. Merci, Mathieu. On va se retrouver en janvier avec d'autres chroniques hétéroclites. Chaque matin de semaine. Chaque matin. Nous, ben, pour l'instant, c'est la fin de cette édition d'Assemblage requis. Alors oui, c'est la dernière émission de la saison. Ça veut pas dire qu'on va être hors onde. On a des émissions chaque jour. Il y aura pas une journée à part les 24, 25 et 31 premiers où il y aura pas d'émission. Donc, le reste du temps, on va avoir trois émissions spéciales d'une grosse pointe à l'adresse. Surtout nos chroniques depuis la dernière année. Sérieusement, on en joue depuis vraiment très très longtemps. Donc, trois émissions de 3 heures et non pas de 2 heures. Donc, vraiment des 3 heures complètes. On va réentendre Steph. Oui, on va réentendre Steph pendant le bon, peut-être 2/3 de ces émissions-là. Mm-hmm. Toi, t'es arrivé cet automne, donc tu vas être là-dedans. On va co-animer ça, toi et moi, donc en pré-enregistré, mais soyez-y. Oui. On va enregistrer ça aujourd'hui. Exactement. Donc, ça va être les 22 et 23 décembre, ainsi que les 28 et 29 et 30 décembre, ainsi que le 4 janvier, c'est ça? Oui. Bref. Une grosse horaire, quand même. Gros horaire. Allez voir sur assemblagerequis.com pour savoir quand tout ça va jouer. Bien sûr, il va aussi y avoir une émission spéciale du Mathieu Plante Show avec de la musique chiptune de Noël qui va jouer. Ouais. Pour la première fois, ce sera le 23 décembre. Donc, soyez-y pour ça. Il y a notre meilleure émission de l'année, le Best Of. C'était fou en 2015. Mm-hmm. Qui va rejouer pendant les fêtes aussi quelques fois. Sinon, ben c'est pas mal ça pour ce qu'il va y avoir pour toi et moi pendant les fêtes. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Je pense que c'est assez. Il me semble que c'est pas mal d'affaires en même temps. C'est pas mal. D'après moi, on va remplir la plage horaire. Pas mal sûr. On va se retrouver en direct à partir du 6 janvier. Oui. 6 janvier, entre 6h30 et 9h30. Évidemment, on est en direct à partir de 7h30. D'ici là, ce sera du pré-enregistré pour tout le monde. Restez sur nos ondes pour aujourd'hui. En fait, il y aura Dîner de con à 11h avec Danny Janvier. Oui. Ensuite, il y aura Rock Classique en après-midi avec Alain Lefebvre. Et puis, je crois bien que ce soir, il y aura Le Voyage de Satellite à 19h et Rock de Neurone à partir de 20h. L'émission d'aujourd'hui va rejouer une dernière fois, à un moment donné, quelque part pendant les fêtes aussi. Donc, on va ne être vous là. Inquiétez pas. L'émission que vous venez d'entendre aujourd'hui. Sinon, merci, Tania. Merci, Mathieu. Merci à David Ferron pour sa chronique La Carte Litchi. Merci à Marie-Laurence Audet pour ses 3 ans derrière la chronique Le Loisir bien plus qu'un jeu. Sif.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. On va se quitter avec une pièce. Encore une fois, je te laisse jouer une fois. Oui. Juste une fois. Mais elle a fit, là. Oui, je sais, mais elle fit dans toutes les radios aussi. Fait qu'une fois. C'est 23 décembre de Beau Dommage. Puis même s'ils disent 7 janvier, nous, c'est le 6 janvier. 6 janvier. 6 janvier. À 6h30. Puis on quitte le 21. Voilà. Merci, Tania. Merci, Mathieu. Bye. Joyeuse fête. Joyeuse fête, oui, c'est là. Il y a ça. Ça existe, ça, c'est joyeuse fête. Il y a ça. Faut l'oublier, quand même. Grincheux. C'est pas juste un congé. Non, c'est ça. C'est ça. J'ai dans la tête un vieux sapin, une crèche en dessous. Un Saint-Joseph avec une canne en caoutchouc. Était mal faite, puis j'avais fait. Quand je revenais passer trois heures dans un igloo, qu'on avait fait deux ou trois gars chez Virondou. J'ai devant les yeux, quand je suis heureux, une sorte de jeu. Qu'on avait eu une sorte de grange avec des bœufs. La même année où j'ai passé, et que t'en ai fait avec sa tête une sucre d'orier. Parce que je voulais me faire passer pour un Garvey. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut Ticu, on se reverra le 7 janvier. J'ai sur le cœur un jour de l'an où mes parents, pensant bien faire, m'avait habillé en communion. Chez ma grand-mère, c'était mon père qui se déguisait en Père Noël pour faire croire que les cadeaux, ça venait pas tout de du puits frère. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut Ticu, on se reverra le 7 janvier. Ça me tente des fois d'aller la voir puis d'y parler. Fais des étoiles, peux-tu avoir un autre hockey? J'ai perdu le mien au sang des sept, j'ai échangé contre des photos où on voit rien. Une fille de l'eau qui se cache les fesses avec les mains. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut Ticu, on se reverra le 7 janvier. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut Ticu, on se reverra le 7 janvier.